Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1 et à ckrl.qc.ca pour celles et ceux qui souhaitent nous écouter sur la toile. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver. Je vous présente ce soir un magnifique projet de création sonore initié par Les Incomplètes, un collectif d'artistes qui explore depuis une dizaine d'années l'univers des arts vivants en ayant à cœur de susciter de nouvelles expériences artistiques dans les communautés, à l'image de ce projet que je vous présente ce soir en compagnie de citoyennes et de citoyens du quartier Saint-Roch à Québec qui ont relevé le défi de créer des paysages sonores dans leur milieu de vie. Intitulé « Nos territoires », le projet des Incomplètes vise la réalisation de co-créations en art sonore dans une perspective intergénérationnelle. Mené dans Saint-Roch au cours des derniers mois, le projet a réuni 5 créatrices et créateurs en herbe qui ont, ma foi, réalisé des paysages sonores d'une grande sensibilité et qu'on va écouter ce soir. Donc, 2 jeunes artistes, Adèle Robillard et Clémentine Roy-Pouliot, et 3 artistes d'âge vénérable, on va dire ça comme ça, Jean-Simon Bouchard, Ronald de la Chapelle et Gina Tremblay. Et pour brosser la toile de fond de tout ça, j'accueille sans tarder la co-directrice générale et artistique des Incomplètes, Audrey Marchand. Audrey Marchand, bienvenue à l'émission. Très heureux de te retrouver ce matin. Bonjour Gaëtan. Audrey, il y a ce beau projet que vous menez là, depuis plusieurs mois qui s'intitule « Nos territoires », un projet d'art sonore, de paysage sonore. J'aimerais que tu nous parles de ce projet dans son ensemble et puis évidemment du segment réalisé sur le territoire de Saint-Roch, ici à Québec. Bien, je dirais que le projet Nos territoires, c'est un grand projet là, qu'on a envie de mener. Il y a différentes phases là, ou différents temps, je dirais, à ce grand projet-là. Le projet est né en novembre 2021. Où on a été pour une première fois à Matimécouche, dans le coin de Schefferville, où on a été travailler avec une classe d'adolescents, où on a eu envie de se questionner avec eux sur les sons du territoire. Donc, on a vraiment travaillé avec eux à essayer de déterminer c'est quoi les sons qui sont particuliers de Matimécouche et tout ça, les sons qui sont importants pour eux, les sons qui développent leur sentiment d'appartenance et qui en tout cas sont représentatifs pour eux de l'endroit où ils vivent. Fait que ça a été une première étape. Puis à partir de ce moment-là, par les échanges qu'on a eus là, sur le territoire, on s'est rendu compte que c'était un projet qu'on avait envie qu'il prenne de l'ampleur, qu'il puisse se multiplier, puis qu'il puisse nous amener sur différents territoires au Québec. Puis on avait envie, oui, d'aller à la rencontre des adolescents, mais on s'est rendu compte aussi que ça pouvait être un projet qui soit vraiment intéressant de le réfléchir dans une optique intergénérationnelle où on allait pouvoir mélanger ces visions entre des adolescents et des aînés, finalement, dans le même territoire, pour voir un peu c'était quoi leur vision chacun. T'sais, là où il y avait des points qui allaient se rejoindre, puis des points où il allait peut-être avoir des dissonances et tout ça, puis de voir aussi comment ça allait pouvoir alimenter les réflexions puis les échanges là, par rapport à cette idée d'habiter un territoire, t'sais, avec les aînés qui habitent peut-être le territoire depuis plus longtemps, qui l'ont vu se transformer, qui ont un autre regard peut-être sur ce territoire-là que les jeunes peuvent avoir puisqu'ils sont encore tout nouveau là sur ce territoire-là. Donc, on trouvait que c'était vraiment une idée riche. Et donc, on a décidé de poursuivre le projet, puis on a fait une étape, comme tu me disais, à Saint-Roch, ici à Québec, donc dans un contexte complètement différent qu'à Schefferville-Matimécouche. Mais c'est ça qui était intéressant aussi. Puis l'idée, c'est qu'on a fait le même genre de projet avec des adolescents et des aînés, où on les a amenés à se questionner sur les sons qui représentent pour eux leur quartier, Et dans le fond, on a eu envie de les accompagner là-dedans, puis de créer des paysages sonores. Puis quand je dis paysages sonores, c'est vraiment de créer des petites œuvres sonores qui vont mélanger des sons qu'ils ont enregistrés eux-mêmes sur le territoire. Donc, pour ce projet-là, on s'est accompagné, dans le fond, d'artistes sonores, que c'est leur métier, que c'est leur expertise, pour accompagner finalement les jeunes et les aînés dans leur création, tu sais, de pouvoir les aider, les accompagner dans le choix des sons qu'ils allaient récolter, apprendre à comment récolter des sons pour qu'on puisse avoir des sons qui soient intéressants à utiliser par la suite, puis les accompagner ensuite à comment on pouvait réfléchir à comment on allait amalgamer ces sons-là pour que ça crée une œuvre, que ça crée peut-être une petite histoire, ou en tout cas qu'on puisse travailler ces textures sonores-là pour créer une œuvre qui soit une œuvre sonore à écouter. Oui, Audrey, dis-moi, comment s'est fait le choix, la sélection des gens là, parce qu'il y a à la fois des jeunes personnes, des adultes, des gens presque à la retraite ou en tout cas des gens plus âgés là. Comment vous avez procédé pour les identifier, les amener, les apprivoiser dans votre univers? Ben, je te dirais, pour nous, c'est important, tu sais, là, pour l'instant, on était dans le quartier Saint-Roch, c'est un quartier qu'on connaît un petit peu plus, mais en même temps, on avait envie de sortir aussi des gens qu'on connaît ou d'aller en rencontre avec de nouvelles personnes, dans le fond. Fait que, on s'est dit que pour faire ça, ben, c'était intéressant de travailler avec un organisme communautaire qui connaît les gens du quartier, puis qui allait pouvoir nous amener justement à rencontrer des nouvelles personnes. Donc, on s'est associé, dans le fond, avec la table de concertation, l'engrenage, donc la table de concertation citoyenne. Et à partir de là, on a expliqué le projet aux intervenants de la table. Et ils nous ont dit qu'eux, il y avait comme plein d'organismes avec qui ils travaillaient, puis qu'il y avait aussi des gens, des citoyens qui gravitaient vraiment auprès d'eux. Donc, on a vraiment travaillé avec l'engrenage là, pour le recrutement. Et des jeunes et des aînés. Puis ce qui était chouette aussi avec l'engrenage, ben c'est que c'est un organisme qui travaille autant avec les adolescents qu'avec des personnes plus âgées, qu'avec des adultes. Donc il y avait vraiment une possibilité là, d'aller à la rencontre de plein de gens ben, différents, puis des gens qui sont intéressés et mobilisés pour leur quartier. Audrey, il y a cinq personnes qu'on pourrait nommer cinq artistes, cinq créateurs, une fois que le travail est réalisé, parce que ces gens-là n'étaient pas au départ là, des artistes en tant que tels, des gens qui se déclaraient artistes, là. Non, non, c'est ça. C'est pas nécessairement des gens qui se déclarent artistes, mais assurément, en tout cas, rapidement, quand on les a rencontrés, ben il y avait déjà un engagement, une curiosité, une envie, puis ne serait-ce que juste qu'ils avaient déjà entendu parler du projet, puis rapidement, là, ils ont eu envie de s'approprier là, cette démarche-là. Puis on a vraiment cru, ben, je pense qu'on a réussi à créer des beaux duos, en fait, là aussi, entre les participants et les artistes sonores qui les ont accompagnés. Il y a vraiment eu des beaux échanges, des belles réflexions qui se sont développées entre les artistes. Donc, ça a été vraiment une étape vraiment agréable et vraiment facile, tu sais, parce qu'on avait des gens qui étaient, ben, qui étaient investis. Très intéressant, sur le plan du processus de création, de collaboration, de complicité avec les artistes professionnels et puis cette idée de sensibilisation. Audrey, cinq artistes y ont participé, c'est-à-dire cinq artistes, deux jeunes artistes, Adèle Robillard, Clémentine Roy-Pouliot et des gens qu'on dit plus âgés, là, des adultes, Gina Tremblay, Jean-Simon Bouchard et Ronald Lachapelle. Bon, on va entendre certains d'entre eux là, dans la suite de notre émission. Audrey, pour conclure notre rencontre, bon, il y a deux volets réalisés autour de ce cycle des territoires. Qu'est-ce qui s'en vient, les prochaines étapes, les prochains volets là, sont en développement à ce moment-ci. Raconte donc. Ben, je te dirais, il y a comme plein de projets là, autour du cycle des territoires. Je dirais que pour le projet Nos territoires, en tout cas, il y aura d'autres suites parce que le projet Nos territoires, on imagine que c'est un projet qui va se déployer sur plusieurs territoires au Québec, mais aussi sur plusieurs années. Donc, on est en train là, de créer tout un calendrier où on va pouvoir se promener à la grandeur du Québec à différentes saisons pour aller à la rencontre de d'autres citoyens qui pourront faire le même processus. Puis en fait, toutes ces œuvres-là, toutes ces œuvres sonores qu'on crée vont se retrouver sur une œuvre web. Mais je dirais que déjà, le projet Nos territoires, là, avec les résidences et l'œuvre web, est un projet là, qui va prendre de l'ampleur là, dans les prochaines années. Oui, c'est déjà très substantiel. Audrey Marchand, directrice générale des Incomplètes et co-directrice artistique avec Laurence Pellafaille. Grand merci de m'avoir accordé cette rencontre. À la prochaine. Au revoir. Quel beau projet. Alors voilà, pour enchaîner avec les propos d'Audrey Marchand concernant ce projet intitulé Nos territoires, ben, je vous propose qu'on écoute Adèle Robillard nous parler de son paysage sonore, celui qu'elle a recréé dans les quartiers de Saint-Roch à Québec. Alors on écoute ça. Écoute, je rentre immédiatement dans le vif du sujet. Adèle, dis-moi, ce projet sonore que tu as réalisé avec les Incomplètes, là, comment tu as préparé ton plan de travail, ton plan de match là, pour réaliser ce projet-là au départ? Ben, dans le fond, j'ai réfléchi à qu'est-ce que Saint-Roch voulait dire pour moi. Puis il fallait faire un peu d'introspection aussi. Fait que j'ai vérifié c'est quoi mes passions, qu'est-ce qui m'intéresse, puis qu'est-ce qui est aussi en lien avec le quartier. Donc, bien sûr, il y a l'écriture qui est ressortie. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'inclure beaucoup, beaucoup du son, du plomb sur le papier ou de clavier quand je tape à l'ordinateur. Fait que c'est ça, je suis allée chercher vraiment dans ce qui m'intéressait puis qu'est-ce qui traduisait pour moi Saint-Roch par le son. Il y a l'idée un peu du récit dans dans la construction de ton projet sonore. Ben, j'ai essayé, je voulais faire comme suivre une histoire un peu, mais je voulais pas, je voulais que ça soit quand même abstrait parce qu'au final, c'est comme aux gens de s'imaginer où est-ce qu'on est à ce moment-ci dans le quartier. Tout à fait. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a apporté le plus de satisfaction dans la réalisation de ce projet artistique là? Je pense que c'est vraiment à la fin. Quand j'ai pu écouter ceux de tous les autres participants, parce qu'on voyait vraiment les différences de perception du quartier. Il y avait l'âge qui rentrait en jeu, mais pas juste ça, la personnalité aussi, de voir qu'est-ce qui était important pour les autres. Puis, par exemple, Clémentine, elle a vraiment été plus avec un aspect musical. Puis ça a vraiment eu un impact sur son paysage. Il y a eu des interrelations, des interactions entre vous, les participants, les créateurs. Oui, ben on a passé du temps un peu ensemble, pas à l'enregistrement, mais on pouvait se voir une fois par semaine pendant le processus. Donc, on pouvait parler, se dire un peu qu'est-ce qu'on avait enregistré, puis pourquoi. Ça a été bon aussi. Dis-moi, au terme de ce projet-là, est-ce que tu es plus sensible à tes environnements sonores que tu l'étais avant ce projet-là? Tellement! Genre, quand je me promène dans la rue, je peux pas m'empêcher d'être attentive. J'ai comme le besoin, mais c'est pas négatif. C'est vraiment bon d'entendre tous les petits sons puis de dire « Ah, ça aurait été bon dans mon paysage! » Parce que tu te rends compte que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de sons qu'on n'entend pas particulièrement, mais qui sont quand même importants puis toujours présents. Puis c'est pas juste le moteur des voitures, il y a le vrombissement des poteaux électriques. Il y a de tout. Tout à fait. Dis-moi, est-ce que cette expérience-là aura ou a un effet sur ton travail d'écriture, ton travail d'auteur? Peut-être au niveau de l'attention au détail, dans les descriptions, c'est pas toujours quelque chose à quoi on fait attention, le son. On va être plus dans la vue, dans la sensation, mais je pense que le son a vraiment un impact plus important que je pensais. Adèle, si tu veux, on va écouter ensemble l'intégrale de ton projet sonore réalisé dans le cadre de cette initiative des Incomplètes intitulée Nos territoires, et on parle des territoires de Saint-Roch. Et puis, un grand merci de m'avoir accordé cette rencontre. Merci à vous. Entre Station Université du Québec et Station 4e. Départ dans 2 minutes. Alors voilà, c'était le paysage sonore d'Adèle Robillard, beau paysage. On va maintenant écouter les propos de Ronald Lachapelle en préambule de sa vision sonore de Saint-Roch. On écoute ça. Ronald, j'aimerais que tu me parles du projet. Comment ça s'est déroulé, cette aventure-là? Ça s'est très bien déroulé. J'étais surpris, ça m'a surpris surtout, parce que moi, je suis associé aux images, au monde extérieur, et puis de tourner du son intime. J'étais bien entouré, l'équipe était fabuleuse pour ça, le montage de cette pièce d'intimité sonore là, m'a vraiment... tu sais qu'on se rend pas compte qu'il existe un monde qui nous côtoie tout le temps, juste le battement du cœur. On s'en aperçoit pas qu'on bat du cœur, mais lorsque ça arrive, que c'est pris intentionnellement... À ce moment-là, je te jure que ça nous révèle tout un monde. Moi, c'est l'aspect qui m'a le plus ébahi. Ronald, hein, on passe de la nature à la vie collective parce que, bon, on entend cette foule qui est au Colisée. C'est vraiment un beau parallèle. Ben oui, ça, c'est un hasard inouï. C'est pas dû à un événement historique à Québec. Il y avait toute une équipe de hockey qui arrivait d'Ukraine Et puis, le Colisée était plein à capacité. Il y avait certainement 15 000 personnes. Et puis, cette foule attendait avec une... J'ai jamais ressenti à tel point l'attente de la réalisation d'un but de cette équipe-là. Ça c'est arrivé à la fin. On a attendu tout. Là, tout puis, j'étais entouré d'enfants qui n'en pouvaient plus de voir, puis ça réagissait. Parce qu'un joueur d'hockey du Crémier, c'est un vrai Lafleur. Il est monté au gardien de but tout seul. Il partait de son but, il déjouait tout le monde, puis il s'acharnait sur le goaler de Boston, des petits Boston. Puis il était pas du tout déjouable. À un moment donné, je ne sais pas si c'est lui qui l'avait, le puck, mais à la fin, il a scoré. Ça a été une détonation. J'ai jamais entendu ça. Je pense que les murs se sont imprégnés de cet incroyable contentement, de relief, tu sais, de relâche. Ah, oui. Dans ce projet que tu as réalisé, ce projet sonore, qu'est-ce qui t'a le plus satisfait? Qu'est-ce qui t'a donné le plus de satisfaction dans toute cette expérience? Ben, c'était la continuité. C'est pas la logique de la continuité de ces deux minutes et quelques. Parce que, ben, c'est le sonore, c'est parti de chez moi, mais c'est un grand crescendo. C'est un grand crescendo qui part de l'intimité chez moi, avec les bruits, avec la musique, avec tout est calme, tout est contenu, tout est harmonieux. Puis à un moment donné, qu'est-ce que c'est que les oiseaux, on entend des oiseaux, mais c'est des faux oiseaux, c'est un disque de musique, et puis c'est relayé par des pigeons. Sur mon balcon, qui viennent. Puis ça passe de l'intérieur à l'extérieur d'une façon tellement magique. Et puis, on se retrouve dans un milieu au Colisée. Puis là, ben, on est vraiment à l'extérieur, mais on a la capacité de comprendre que il y a une logique qui finit par un coup de tonnerre. Tout à fait. Tout à fait. Ronald, si tu veux, on va écouter l'intégrale du projet immédiatement. Et puis, écoute, j'en profite pour te remercier infiniment de m'avoir accordé cette rencontre. C'était vraiment super. Merci. Et puis... Merci, Géant. Hey, salut, bye-bye. Alors voilà ce qui complète la première demi d'émission autour de ce beau projet intitulé Nos territoires, réalisé par les Incomplètes, réunissant des créateurs citoyens de Saint-Roch. Alors je vous reviens après un bref battement en promo. C-K-R-L 89-1. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors voilà, on est de retour, c'est la Croche-Oreille jusqu'à 22h sur les ondes de CKRL 89.1. Je vous rappelle, comme à l'habitude, que vous retrouverez le titre des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille, ainsi que toutes les émissions archivées jusqu'à maintenant pour écoute quand ça vous tente. Alors au programme de cette deuxième demi, la suite des conversations que j'ai menées avec des citoyennes et citoyens qui ont réalisé dans le quartier Saint-Roch à Québec une série de paysages sonores dans le cadre d'un beau projet intitulé Nos territoires. Il s'agit d'un projet artistique initié par la compagnie de création multidisciplinaire Les Incomplètes. On a pu entendre en première demi les créations d'Adèle Robillard et de Ronald de Lachapelle. Je vous propose qu'on écoute maintenant les propos de Clémentine Roy-Pouliot et c'est des propos suivis de son paysage sonore. Clémentine, si on parlait du projet réalisé avec les Incomplètes, le projet intitulé « Territoire », j'aimerais ça que tu me parles de ton univers sonore. Comment tu as développé ce projet-là? Qu'est-ce que tu avais imaginé au départ comme processus de création? Moi, c'est sûr que je le voyais vraiment plus comme une musique. J'ai écouté celle-là des autres, c'était vraiment très différent. Les autres, c'était vraiment sur un long bout, c'était vraiment comme un paysage, mais moi, c'était vraiment plus plein de mix, d'ajouts, de plein de trucs, parce que pour moi, comme la ville, c'est bruyant, fait que c'est un peu ça que je voulais reproduire, puis c'est ça. En écoutant la bande sonore, on constate qu'il y a beaucoup de répétitions, comme si tu étais dans un atelier, dans un univers. C'est un peu ça que tu souhaitais mettre en lumière? Oui. Parce que, c'est ça. Pour moi, la ville, c'est vraiment industriel. Surtout Saint-Roch, c'est là que ça se passe, la vie. C'est là que, contrairement à quand t'es chez toi, ou que c'est, il y a quand même du bruit, mais c'est plus relax. Là, c'est vraiment la ville, c'est comme si tu rentres puis c'est agité, c'était ça mon... Tout à fait. Et dis-moi, Clémentine, qu'est-ce qui t'a apporté le plus de satisfaction là, dans la réalisation du projet? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus trippant là-dedans? Ben moi, il y a deux trucs que je pourrais vraiment genre cibler. C'est juste mettre les écouteurs pour la première fois puis tout entendre la vie de la ville sous un nouveau jour. C'était plus fort, c'était plus agressant, mais en même temps, c'était plus agréable. On dirait que les sons étaient comme... Ils étaient justement devenus, genre, agréables, une œuvre d'art, plutôt que juste quelque chose qui nous dérange, qui nous... Des fois, c'est agressant, les bruits de la ville, mais là, c'était vraiment... Quand j'essayais de les apprécier, ça changeait vraiment ma perspective, la façon dont je les voyais. Puis la deuxième chose, c'était quand on faisait le montage. Moi, j'avais, c'est comme un launchpad, là. Puis là, j'avais les sons, puis là, je pouvais créer des combinaisons. Puis là, je faisais des suites, puis là, m'inventais des trucs. Puis là, je pesais sur les boutons, puis c'était vraiment le fun. C'était quelque chose que j'avais jamais fait. Puis j'ai vraiment aimé ça. Clémentine, dis-moi, suite à cette expérience que tu as fait, là, ce travail avec des artistes sonores, est-ce que maintenant tu es plus sensible au son de ton environnement? Ben, c'est sûr que j'étais déjà attentive. Je me fie beaucoup à mes sens dans la vie, mais le son, je le voyais vraiment plus comme quelque chose d'agressant que tu peux pas couper. Comme l'odorat, tu peux te boucher le nez, les yeux, tu peux juste fermer les yeux, mais le son, je le voyais d'une façon beaucoup plus négative parce que c'est dur de le couper, mais avec ça, justement, j'ai réussi à l'apprécier, à plus remarquer des trucs puis à voir un peu la beauté dans des sons que, normalement, avant, je trouvais pas beau, que je trouvais... Intéressant. Clémentine, si tu veux, on va écouter ton projet, l'intégrale de ton projet pour les auditeurs. Et puis, j'en profite pour te remercier d'avoir accepté de nous donner ces commentaires sur ce projet de création réalisé avec les incomplètes. Grand merci. Merci à vous. Des créations sonores vraiment très solides. On vient d'entendre la création, le paysage sonore de Clémentine Roy-Pouliot. On écoute maintenant les propos. Ça sera suivi de l'œuvre sonore, cette fois de Gina Tremblay. Gina, si vous aviez à résumer ce projet ce matin, ce projet de création sonore, vous feriez ça comment? Pour moi, c'est comme si je faisais découvrir Saint-Roch d'une autre façon. Alors, parce que moi, je demeure pas vraiment dans le centre-ville de Saint-Roch, je demeure entre la Barberie et la rivière Saint-Charles, finalement, qui est une enclave quand même, hein. Il n'y a pas de route près. Ben, il y a la route Prince-Édouard, mais moi, c'est vraiment très fermé. Il n'y a que les locataires qui peuvent stationner leur voiture. Et bon, il y a 12 places. Alors, on s'entend comme quoi c'est un endroit assez silencieux. Alors, quand Alexandre m'a envoyé un courriel disant qu'il y avait un projet sur l'aspect sonore de Saint-Roch, ça m'a tout de suite séduit. Parce que je dis, oh, ben, moi, je suis dans le silence presque toujours, alors que c'est pas du tout ce qu'on pense souvent de Saint-Roch. Et d'autre part, la chose qui m'a aussi beaucoup séduite, c'était que moi, les deux sons que j'entends le plus, c'est la corne de brume, lorsque naturellement, parce que je suis près du port, alors lorsque naturellement, elle n'y est pas tous les jours, mais lorsqu'elle l'entend, ça me fait plaisir de l'écouter davantage, et le train. Alors j'entends le train 3 fois par jour, j'adore. Alors ce sont les deux sons que j'entends le plus. Alors ça me séduisait d'offrir Saint-Roch de cette couleur-là finalement. Et dites-moi, Gina, qu'est-ce qui vous a le plus emballé dans ce projet de création sonore? C'était aussi beaucoup la liberté. Alors, j'ai eu l'impression qu'avec l'équipe, je pouvais faire ce que je voulais. Les consignes étaient très claires. C'est ton projet, tu fais ce que tu veux. Alors, j'aimais beaucoup cette liberté-là. Naturellement, ben moi, l'aspect sonore, technique, comme je suis pas très bonne dans ça, c'est pas ma force. Alors, j'avais un petit peu d'inquiétude. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire comme son? Quel son va sortir de l'appareil? Et finalement, ça a très bien été. Et le technicien a été un ange. Il a bien ramassé tout ce que j'avais pu ressortir finalement. Alors ça me séduisait. Et l'autre côté que j'aime bien de Saint-Roch aussi, c'est quand même, il y a beaucoup d'organismes communautaires. Alors ça me plaisait d'y faire voir cet aspect-là. Et il y a beaucoup d'enfants. Alors, je trouve que ça paraît pas tant que ça à Saint-Roch. On voit plus des adultes, des choses comme ça. Et moi, je suis bénévole pour la maison des enfants, où je fais de l'aide aux devoirs avec deux jeunes de première année. Donc, j'aimais montrer cet aspect-là. C'est ce qu'on entend là quand l'enregistrement se termine. C'est moi qui fais la lecture avec les deux enfants. Alors, ça me plaisait beaucoup. Et c'est ce que j'ai aimé, montrer ce côté-là de Saint-Roch, finalement. Gina, est-ce qu'on peut dire maintenant que vous êtes plus sensible qu'auparavant à votre environnement sonore? Je dirais bien sûr, parce que ça aiguille, ça se dit, ah oh ben tiens, mon Dieu, comme les skieurs, parce que bon, le long de la piste, il y a beaucoup de skieurs, je les entendais pas. Et là, maintenant, je les vois plus, je les entends. Alors qu'avant, je dirais que je ne faisais que les voir, maintenant, je les entends. Alors, c'est que c'est, oui, ça plaît davantage, finalement. Il y a aussi le carillon de l'école que j'aime beaucoup. Alors, j'étais contente de le faire ressortir dans le projet, finalement. Là, voilà. Gina, pour compléter notre rencontre, on va écouter ensemble ce projet de création réalisé avec Les Incomplètes. Alors, grand merci de m'avoir accordé cette entrevue ce matin. Et puis, on écoute ça. Ben, merci beaucoup. Au revoir. Encore une fois, très beau projet sonore réalisé par Gina Tremblay. On va maintenant écouter les propos de Jean-Simon Bouchard en préambule de son paysage sonore, paysage qu'il a réalisé, je le rappelle, dans le quartier Saint-Roch à Québec, dans le cadre du projet Nos Territoires, projet initié par le collectif Les Incomplètes. Alors voilà, dernier segment de paysage avec le projet de Jean-Simon. Alors, on écoute ça. Jean-Simon, j'aimerais savoir d'abord, écoute, quel était ton plan de match? Est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu allais réaliser sur le terrain avec l'équipe, là? Ben, on m'avait parlé des enregistrements de son. Alors, moi, c'est plutôt quand j'ai commencé à enregistrer des sons que j'ai eu une histoire qui a commencé à germer dans mon esprit avec les sons que j'enregistrais. Je disais, bon, ça, je vais garder ça. Et puis, ça s'est développé au fur et à mesure des enregistrements de son. Et puis, j'avais une base de mon histoire à mon esprit. Mais seulement que j'ai eu beaucoup d'aide aussi du technicien de son. Parce que j'avais comme un début, j'avais une fin, mais entre les deux, j'avais comme rien. Fait que le technicien de son m'a aidé beaucoup là, pour compléter mon histoire sonore. Ouais. Qu'est-ce qui déterminait un peu tes choix? C'était des ambiances, c'était qu'est-ce qui était derrière ce que tu appréciais là, sur le plan sonore? Ben, ce que j'appréciais, c'était des sons le plus, comment je dirais, le moins commun possible. Mais dans un appartement, on est un peu tous pareils, on enregistre un peu tous les mêmes sons. Mais quoi que j'ai trouvé quelques sons dans mon appartement qui étaient assez particuliers. Et puis j'ai trouvé ben, les sons à l'extérieur, c'était ce qu'on pouvait prendre, là, tu sais, je veux dire, les sons de la rue, les sons des automobiles. On a eu une chance parce que moi, où je travaille, il y a une activité le vendredi après-midi qui s'appelle la boîte à chansons. On est allé enregistrer la boîte à chansons. On a intégré ça dans mon histoire. On sent bien le parcours dans ton projet sonore là, du départ, les environnements, le chat qui ronronne et c'est très intéressant. Jean-Simon, dis-moi donc, qu'est-ce qui a été le plus satisfaisant pour toi dans la réalisation de ce projet-là? Ben, c'était de réussir à créer quelque chose où je ne suis pas artiste, vraiment pas. Et là, on m'a donné l'occasion de pouvoir réaliser quelque chose. On m'a donné l'occasion de créer quelque chose. Et puis j'ai vraiment adoré, mais adoré ça, là. J'ai trouvé que ça me donnait l'occasion de faire quelque chose de original, on pouvait, grâce aux technologies, on peut recommencer, on peut enregistrer. C'était très agréable. C'est ça qui m'a surtout préoccupé. Oui. Dis-moi, est-ce que tu es maintenant plus sensible à l'univers sonore qui t'entoure, soit à la maison, soit à l'extérieur? Oui, à l'extérieur, ben à la maison aussi, mais à l'extérieur, c'est surtout les yeux que j'entends des yeux, je dirais. Je m'aperçois que j'observe beaucoup plus. Quand j'entends des sons, là, ça me pique la curiosité. Je me tourne pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis il y a beaucoup de sons, surtout les individus. Et ici, à Basseville, on sait qu'il y a une mixité assez particulière. Il y a une clientèle assez particulière aussi. Et puis moi, ça m'accroche beaucoup. J'observe énormément ces gens-là. Et je les vois aller, puis des gens qui font des petites crises dans la rue, des gens qui parlent tout seuls. Ça, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça m'a accroché beaucoup. Une belle expérience. Jean-Simon, si tu veux, on va écouter l'intégrale de ton projet sonore. Et j'en profite pour te remercier infiniment de nous avoir accordé ce matin cette rencontre. Ben, c'est moi qui te remercie. Nous montons. Sixième. Très beau projet de Jean-Simon Bouchard, un projet qui marie les arts et la vie, comme tous ces paysages qu'on a entendus ce soir. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir, en compagnie des artistes participants au projet Nos Territoires, projet initié par le collectif Les Incomplètes, qui a pu compter sur la complicité des artistes Jean-Simon Bouchard, Ronald Lachapelle, Adèle Robillard, Clémentine Roy-Pouliot et Gina Tremblay. Je les remercie chaleureusement de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres et de s'être prêtés à ces entrevues. Cela dit, vous retrouverez la liste des collaboratrices et collaborateurs à ce projet sur le site des Incomplètes, notamment. Vous le trouverez aussi sur le site de la Croche-Oreille. Je souligne que Simon Elmaleh, Myriol Liman ont joué le rôle d'accompagnateur artiste dans ce projet. Philippe Martin aussi à la photographie, je pense. Alors, je les salue et je les remercie aussi chaleureusement. Salutations à Audrey et Laurence des Incomplètes. Sur ce, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre aventure sonore. Au microphone, Gaëtan Gosselin qui vous salue. C'est Carlo.